télé au fond du réfectoire, on ne prend pire que des cafards. Ouais, il faut se révolter pour s'amuser. Et il faut s'amuser à se révolter. Je me suis fait virer la castagne où ils m'en trouvaient trop lourdingue. Je voulais de l'argent en poche, mais je suis bien cochon et moche. La petite Betty Malino, encore une fois je tourne en rond. Depuis qu'elle a son beau cartable, elle ne trouve plus très présentable. Et moi je vais péter un câble. Ouais, il faut se révolter pour s'amuser. Et il faut s'amuser à se révolter. Tu vois, je sais que dalle. J'ai perdu ma carte de cantine dans la galoue du Technival. Je voudrais être un grand poète qui s'est lavé ses chaussettes. Les copains m'ont dit c'est comme ça. On vient se délivrer des pizzas, on nous prend pire que des anchois. Or, il faut se révolter pour s'amuser. Et il faut s'amuser à se révolter. Ouais, il faut s'amuser à se s'amuser. Oh, il faut s'amuser. Hey, il faut s'amuser.